Bah alors, toi aussi, t'es bon pour le recyclage, mon vieux grippin? Eh oui, mon petit sèche-cheveux, j'ai grillé ma dernière tartine. Et t'aimerais être recyclé en quoi? Eh ben, en cafetière, figure-toi. Ah ouais? Eh ouais, après tout ce pain grillé, j'ai toujours rêvé de me faire un bon petit café. Et toi, tu vois quoi pour ta deuxième vie? Moi? Alors là, je sèche. Ah, excellent, excellent. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Quand on perd cette connexion au monde naturel, notre culture devient malade. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, regardez donc les informations. Bernie Krause, bioacousticien. Depuis que je suis enfant, j'ai un grave trouble du déficit de l'attention. And the only thing that makes me feel alive and centered and calm and tranquil is being in the forest with and listening to animals. La seule chose qui me permet de me sentir vivant, concentré, calme, en paix, c'est d'être dans une forêt et d'écouter les animaux. And so I originally began to do this work because I just felt good doing it. Peu importe qu'il s'agisse d'oiseaux, d'insectes, de grenouilles ou de mammifères, ce qui compte, c'est la présence à ce monde naturel. Et si j'ai commencé à faire ce travail, c'est parce qu'il me faisait tellement de bien. These wolves, they were recorded in Algonquin Park, which is about 500 kilometers north of Toronto. In Ontario. Ces loups, je les ai enregistrés au parc Algonquin, à 500 km au nord de Toronto, dans l'Ontario. C'était fin mars, un matin, en 2008. Le printemps commençait. Tout à coup, je me suis retrouvé au milieu de deux meutes de loups. L'une était devant moi et l'autre était derrière. Par chance, mon enregistreur et mes micros étaient allumés et j'ai pu les enregistrer alors qu'ils avançaient dans ma direction. Ils étaient tellement près, peut-être à une dizaine de mètres. Ils étaient si près et j'ai pu immortaliser ce moment. De ma vie, je n'ai jamais été aussi heureux. Il y avait un jeune enfant avec moi qui était en train very tight, grabbing on, and he said to me, he said, "Are we okay?" I said, "I'm in heaven." Un jeune enfant m'accompagnait. Il se cramponnait à moi très fort. Il m'a dit, "Est-ce que ça va aller?" Je lui ai répondu, "Je suis au paradis." Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 4, des mondes à composer. Un documentaire de Tao Favre, réalisé par Gaël Gillon. École Caminando à Monglon. On est dans la cour de récréation. Ouais. Ça ressemble à un petit terrain où on trouve un potager, une mare, compost, une serre. Des composts. Autour de nous, il y a les montagnes de la Drôme. On a l'impression un petit peu d'être dans une arène. L'ensemble est quand même très sauvage, très beau. Et qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Alors aller à la colline pour rester seul pendant un moment. C'est quoi la colline? C'est une colline, elle est là-bas. Ouais, c'est à peu près. Et on a plusieurs endroits. Ah, il y en a par contre qui sont pas... Et on doit rester seul pendant 10, 15 minutes, 20 minutes. là-bas. Et ça sert à quoi de rester seul 10-20 minutes? Parlez chacun votre tour. Avoir des animaux. Ça sert aussi à se détendre. Quand on commence, on bouge plus. Ça sert aussi à sentir, à regarder, à sentir des odeurs ou le vent. Ça sert aussi à voir des animaux. Comme moi, à un moment, j'ai vu un chevreuil qui passait tout près de moi. Enfin, la première fois, ça fait peur. Mais après, voilà, on s'habitue. Anthropocène, l'ère de l'homme. Voilà un terme contradictoire. Car un temps déterminé par l'homme, pour l'homme, ce serait à coup sûr la fin de notre histoire. C'est un principe de l'écologie. Notre temps, notre espace, ne nous appartiennent pas. Nous les partageons, nous en sommes les usufruitiers. Si cette idée nous semble bizarre, c'est notamment parce que le concept de nature, conçu comme un ensemble extérieur à l'homme, est au fondement de la métaphysique occidentale. Mais aujourd'hui, l'anthropologie, les travaux de Philippe Descola en particulier, montrent combien cette vision est un accident de l'histoire et combien d'autres civilisations ont choisi d'autres voies. Nous sommes la nature, ou plus exactement, la nature n'existe pas. Il y a donc tout à repenser, expérimenter, s'inspirer d'autres cosmologies, d'autres manières de vivre et de concevoir notre place parmi le non-humain. S'interroger, aussi, sur notre capacité à jouir du vivant, à faire parler la Terre, comme d'autres plus animistes que nous le font. À l'instar des Kogi, un peuple amérindien, avec qui des habitants de la Drôme ont noué des liens féconds pour imaginer une autre école appelée Caminando ou repenser leur rapport au territoire. Car c'est bien dans des territoires que ces mutations peuvent prendre corps. À commencer, peut-être, par ceux où un monde sauvage existe, avec lequel on cohabite. Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 4, des mondes à composer. Muriel Fifis, directrice de l'école Caminando. Caminando m'est venue d'une inspiration des peuples racines, particulièrement des Indiens Kogi, qui disent que marcher, c'est penser le monde. Donc toujours ce même chemin à parcourir. Et donc voilà, je me suis réveillée une nuit comme ça, avec ce nom, comme une fulgurance, et en me disant que l'école à laquelle on rêvait, pour nos enfants, pour les citoyens de demain, elle ne pouvait pour moi que porter ce nom de Caminando, parce que c'est la qualité. On sait pas demain ce qui va se passer, c'est l'improbable. Donc c'est juste la qualité de notre présence au quotidien auprès des enfants, cette qualité du chemin qu'on a à faire avec eux, qui va compter. Quand l'idée de cette école a germé, une école, c'est une équipe, une idée, un élan, et c'est aussi un lieu. Et moi, je cherchais ici un lieu où les enfants puissent cultiver avec de l'espace. Et on est là depuis 6 ans. C'est une cour de récréation assez spéciale. On a essayé de recréer dans l'idée de la biodiversité, etc. Tout le travail qu'on fait avec les enfants. On a réhabilité en fait une mare. On cultive, on a des cultures collectives pour toute la classe, pour le groupe. Et on a aussi il y a des parcelles individuelles pour chacun, que chacun puisse s'essayer à faire des alliances de légumes, etc. Et puis c'est une cour aussi où il y a un espace qui est pas, auquel on touche pas, c'est-à-dire qu'on laisse comme ça pour voir ce qui s'y passe, dans lequel il y a aussi une ruche. On a eu 35 kilos de miel cette année. Et puis aussi, une cour, pas de goudron, et une cour où on peut s'ébattre, jouer, faire des cabanes au fond du jardin. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'ici, le milieu naturel est assez préservé. Donc, qui dit un espace naturel préservé, c'est aussi une cour où il y a plein d'insectes, des animaux, des serpents. Mont Lahuc, Thierry Geffray. À 10 km d'ici, c'est notre estive. Là, on a à peu près 500 hectares. C'est beaucoup boisé, il y a des marnes, il y a des falaises rocheuses là qu'on voit. donc qui sont assez dangereux. Et avant, tout était parqué. On avait fait 60 km de clôture. Et puis avec l'arrivée du loup, on est obligé, même si on a des patous pour défendre le troupeau, dans des parcs, c'est pas suffisant. Donc on est repassé au mode de garde, avec un humain qui est là tout le temps et la nuit. On met on défend les brebis dans un double parc, de façon à ce que le loup puisse pas sauter. Voilà, donc ça c'est cette estive, c'est une estive d'été. Où sont les vaches encore? On a une trentaine de vaches qui sont de la race Galloway, qui sont là-haut. Alors l'avantage c'est qu'on peut presque les regarder aux jumelles. Et pour l'instant le loup s'est pas encore attaqué aux veaux, mais bon, ça ne saurait tarder. Surtout que de cette estive là ouest, on a basculé le troupeau, qui est une cible et une proie plus facile, sur cette partie qui est à l'est et au nord, qui est une autre estive qui est au-dessus du village, aussi à 1400 mètres, où les brebis vont rester là jusqu'au mois de décembre, enfin jusqu'à ce qu'il y ait la neige, quoi. Alors dans ton jardin, Thierry, il y a un totem de loup, oui. Qui ressemble, c'est un mélange de troncs d'arbres, de lianes, avec une tête métallique, oui. C'est quand même pas anodin d'avoir un totem de loup dans ton jardin. Oui, c'est un totem qui est au-dessus du bac à sable où les enfants jouent. Donc les enfants jouent entre les pattes du loup, une forme de socialisation et d'apprivoisement du loup, en tout cas pour les enfants. Alors le loup, ben, c'est difficile d'en parler du loup. Tu me poses la question, je vais essayer d'y répondre, mais tout de suite me vient à l'esprit la nécessité de prendre un certain nombre de précautions sur le sujet et d'avoir une certaine délicatesse vis-à-vis de ce sujet. Moi, j'ai été leader dans les années 90 pour dire c'est une épée de Damoclès et il faut absolument que le loup ne revienne pas. Et j'étais un peu dans cette trajectoire de modernisation de l'exploitation agricole. Et le loup était l'empêcheur de tourner en rond par rapport à notre modernité. Et puis voilà, le loup, il arrive, et on a été la ferme la plus touchée par une meute de loups de toute la Drôme. 100 brebis, 18 attaques, c'était une catastrophe, c'était un vrai désastre, quoi. Et ça a été une des causes, certainement, du démarrage de mon cancer. Et à un moment donné, au bout de 18 attaques, mais même avant, on est là, on se dit par où ils vont arriver, comment ils vont procéder. Et j'ai commencé à regarder mon environnement, les crêtes, les vallons, les bosquets, d'une autre façon, parce que j'essayais de voir où est-ce qu'ils étaient. Je voyais les yeux du loup et plusieurs fois, je les ai surpris au moment où ils attaquaient, où j'ai sauvé des brebis. Donc ça m'a complètement envahi. C'est comme si les yeux du loup s'étaient installés derrière mes yeux. C'est-à-dire je vivais aussi le fait de l'attaque, comment je m'y prendrais. Enfin, il y avait une espèce de transposition. Et alors, en 2014, j'ai été voir les chamans Kogi. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé et qui disaient qu'il y avait des chances que mon cancer soit aussi lié à ça. Et ils me disent, faut convoquer l'esprit des loups. Alors je me dis, putain, convoquer l'esprit des loups, on va faire un petit effort, mais c'est pas sûr que ça marche. Et puis ils disent, si ça continue, et c'est des écologistes, c'est des hommes nature, il faut montrer les limites et il faut les tuer. Et alors, de façon paradoxale, il y a eu, pour moi, entre guillemets, des bénéfices par rapport à mon intention d'une relation à la nature complètement inattendue. C'est-à-dire que, bon, j'ai un cancer, c'est une catastrophe. Et j'imagine tous les collègues qui vivent ça, éleveurs, c'est terrible, quoi. Et en même temps, à un moment donné, ils m'introduisent dans une relation à la nature qui s'était banalisée en 40 ans. C'est-à-dire que quand on vit ici pendant 40 ans, à un moment donné, et ça vaut pour tout le monde, les choses se banalisent. Et comme j'avais modernisé mon exploitation, la sensualité par rapport à la nature s'était mutilée d'une certaine façon. Et le loup, quelque part, à partir du moment où j'attendais par où ils allaient attaquer, que je voyais les yeux du loup partout, eh ben, il m'a remis dans une relation à mon environnement, c'est assez étonnant, qui m'a surpris. Et il m'a fait aussi poser la question de cette modernisation de l'exploitation agricole qui me coupait d'une relation à la nature qui était mon intention première. Il a été un peu passeur de nature, ce loup, passeur de nature. En tout cas, le loup, il est assez révélateur de notre société, de notre rapport à la biodiversité, de notre modernisation, voilà. Et il me semble, moi, qu'on doit arriver à trouver des solutions, autant pour le réguler que pour accepter une cohabitation, une colocation de la terre. Virginie Maris, philosophe. Le sauvage, c'est cette part du monde que nous n'avons pas créée. Alors effectivement, pourquoi préserver cette part du monde que nous n'avons pas créée ? D'abord, parce qu'elle est menacée. C'est un peu bête, mais c'est déjà une raison suffisante. C'est une des modalités du monde, une des modalités du vivant qui, aujourd'hui, se trouve sous pression. Et ne serait-ce que pour préserver une diversité d'êtres, une diversité de milieux, eh bien, préserver cette partie du monde qui n'a pas été complètement asservie et qui n'a pas été rendue productive par l'entreprise humaine, par exemple, a en soi un certain intérêt. Au-delà de ça, si l'on pense que nombre des problèmes humains et écologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ont à voir avec la trajectoire finalement emprunté par l'Occident et puis aujourd'hui à travers la globalisation, le reste du monde, d'une économie extractiviste, productiviste et globalisée, il faut absolument se laisser des points de sortie, des points de vue extérieurs à cette entreprise-là. Et cette entreprise, elle est très exactement une entreprise de contrôle et de domination du monde. Alors, cette part sauvage du monde, elle peut, et peut-être de façon absolument vitale pour les humains que nous sommes, représenter à la fois un refuge de la société industrielle, un refuge au néolibéralisme, mais également une ressource pour inventer, imaginer, créer d'autres façons d'être ensemble entre humains et puis entre les humains et les non-humains. Donc moi, Homo sauvage, ça me fait penser à... Ça fait comme une sorte de refus. Parce que pour certains, d'un côté, t'as les animaux domestiques qui sont pas acceptés par l'homme. Et de l'autre côté, il y a les sauvages qui vivent dans la nature. Et pour moi, par exemple, avec un chat sauvage, c'est une sorte de chat qui refuse d'aller dans les maisons et d'avoir un bol de croquettes par jour. Il refuse... De passer la page et de prendre une vie différente. Il reste dans ses forêts à croquer des souris. Des oiseaux. Ouais. Moi, je veux rajouter quelque chose. Pour moi, j'ai un espèce de synonyme à sauvage, c'est un peu liberté parce que t'as pas de propriétaire. Enfin, ton propriétaire, c'est toi, t'as pas de... T'es tout seul, t'es libre, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de loi. Développer des alliances avec quelque chose que je ne maîtrise pas, quelque chose que je ne connais pas, d'essayer de prendre en compte en fait une globalité vivante et de se dire nous on n'est qu'une partie de ce tout. En fait, les enfants, on a l'impression que c'est tout simple pour eux, mais de se poser la question avec un talent d'empathie, de se mettre à la place de l'insecte, se mettre à la place de l'animal, de comment ils vont gérer, de comment ils vont faire. Et on peut le faire aussi avec des approches ludiques, des jeux qui mettent en situation, si on était tel ou tel animal, comment on s'organiserait, comment on ferait un nid, de quoi on a besoin, etc. Et c'est apprendre à se connaître derrière, comprendre l'autre. On sent bien qu'au niveau de l'anthropocène, de la planète, ça ne va pas très bien, ce système et cette proposition de vie. Et on ne sait pas par quelle boule prendre, parce que c'est très compliqué. Mais quand on est sur un territoire comme ici, on peut être en responsabilité du territoire, comme en responsabilité d'une association, d'un groupe agroécologique, d'une ferme en transition permacole comme la nôtre, et d'expérientielle nature forte d'un point de vue personnel. Voilà. Parce que pour se reconnecter à la nature, il y a besoin de pratiques, de reconnexion, presque de rituels. Voilà. Quand je suis arrivé sur le pays d'Iwa au niveau de la présidence de la communauté de communes, on avait 13 décharges sauvages. C'est-à-dire que les gens, ils approchaient du ravin, ils ouvraient leur voiture, ils balançaient leurs poubelles sur les ravins. Il y en avait 13 comme ça et qui alimentaient la Drôme. Aujourd'hui, quand on pense à ça, vu les progrès qu'on a fait, on dit mais ça existait. Mais oui, ça existait. Ça a été un énorme travail pour nettoyer tout ça. Et donc là, on prend confiance ensemble de ce qu'on est capable de faire, comme on a pris confiance dans le mouvement de la bio. Et ces réussites qui sont très liées à des postures plus justes vis-à-vis de son territoire sont des réussites qui renvoient à un bien vivre ensemble et de ce qu'on est capable de faire en local. Voilà, ces réussites ont été une force pour cimenter. Et l'avant-garde Kogi qui est venue ici permet de sentir que c'est un saut qualitatif qui nous attend. C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'assainir la Drôme, d'être dans un pacte écologique, mais aussi de rentrer dans ce que Michel Serre appelle un contrat naturel, c'est-à-dire un vrai dialogue entre le corps social et ce que les Kogi appellent le corps territorial. Parce qu'ils sont venus ici pour ausculter le corps territorial de la Biovallée, pour savoir comment il fonctionnait. Et là, il ne s'agit pas simplement d'être habitant de ce territoire, mais il s'agit aussi d'être habité par ce territoire, d'être enseigné par ce territoire. C'est mon rêve, quand j'étais enseigné par la mer, quand j'étais tout petit, de me retrouver dans un territoire où les habitants simplement n'habitent pas en précaution et en responsabilité leur territoire, mais sont habités par leur territoire. C'est-à-dire habités par tout ce qui habite, humain, mais surtout non humain. Alors ça intègre les animaux sauvages, ça intègre pourquoi pas le loup. Voilà, c'est un saut qualitatif. Et les Kogi, quand ils arrivent, c'est pratiquement des hommes nature, c'est-à-dire c'est des hommes qui sont dans le dialogue entre l'humain et la nature et qui ont une capacité à lire la nature, à entendre les sources, à comprendre quel est le réseau de relations entre les montagnes. C'est-à-dire, nous, on se découvre habitants du territoire, mais analphabètes et incapables de lire ou de rentrer en dialogue avec ces éléments naturels. C'est assez incroyable, quand même. Pour les enfants, en fait, cette question du vivant, elle ne se pose pas. C'est leur manière d'être. Eux, ils sont en lien, ils sont encore connectés. un après-midi, on les regardait après un pique-nique. Il y avait plein de choses d'organiser. Je pense qu'on aurait pu passer l'après-midi comme ça. Et on voit des enfants qui bougent, qui ont des idées, qui ont de la créativité, qui ont l'air bien dans leur corps, qui ont des mines épanouies. Et on voit en fait tout le principe, si on peut en énumérer quelques-uns, le principe du vivant qui s'illustre en fait, et dans leurs activités et dans leur corps aussi. Ça serait le don contre don, ils jouent, ils s'échangent des choses, ça serait l'émergence, la créativité, les idées qu'ils ont, les alliances, comment ils coopèrent naturellement entre eux, etc. Je pense que ailleurs dans le monde, moi, ce que j'ai pu observer dans des communautés autochtones, c'est plus fort que chez nous, parce qu'il n'y a pas de séparation intergénérationnelle, ou générationnelle plutôt. C'est aussi le milieu qui fait qu'ils sont plus en lien. Nous, on élève quand même nos enfants dans la crainte, la peur de « tu vas te faire mal, fais pas ci, tes chaussures sont pleines de terre, c'est pas propre, etc. » Une fois qu'on a posé ça, ce qu'on fait dans cette école, en fait, on leur explique jamais que la terre, c'est pas sale, que les choses vont au compost, etc. Il n'y a pas besoin d'explication parce qu'ils sont en lien. Et surtout, les enfants pratiquent au quotidien la nature, ou font des jeux, ou sont en lien avec elle. Et surtout, ils apprennent à cultiver. Donc, à partir du moment où on cultive, on voit bien que nous, pour manger, on a besoin de prendre soin de la terre, etc. Pour eux, c'est évident. Donc, quelque chose qui me semble important, c'est quand on dit la nature pour école, c'est cette nature la pratiquer. Et ça veut dire que aujourd'hui, il neige pas ou il pleut pas. Mais ça veut dire qu'on serait capable, peu importe le temps, de sortir, de passer, mais pas 10 minutes de récré, passer ou la journée dehors ou des demi-journées comme on le fait. S'il n'y a pas de pratique, on ne peut pas sentir et on ne sait pas de quoi on parle. Donc, ce serait pour moi un prérequis. C'est un peu comme on dit, on cultive. C'est pas juste faire pousser des radis ou des lentilles dans la classe au mois de mai, au mois de juin, quand il fait beau et que c'est agréable d'être dehors. Prendre soin de la terre ou des cultures, c'est demander aux paysans, c'est toute l'année. Donc, du coup, ça induit en fait une éducation, un programme scolaire qui inclut la nature. Pour nous, c'était fin août cette année, de fin août à l'été d'après. Et donc, on est sur, dans les principes du vivant, on est sur un temps cyclique. Ah bon. Là, vous ne m'avez pas coupé au milieu d'une phrase, par exemple. Bon, j'arrive. Philippe Descola, anthropologue. La grande difficulté, au fond, à laquelle nous sommes confrontés dans ce 21e siècle, qui va être un siècle charnière, on peut dire ça de beaucoup de siècles, bien sûr, mais je crois que ça va être un siècle charnière, parce que c'est dans ce siècle qu'il va falloir inventer de nouvelles façons de composer les mondes, et donc d'habiter les territoires, et l'expérience anthropologique, et historique aussi, montre que de très nombreuses autres façons d'habiter des mondes sont possibles, et au fond, tout à fait raisonnables. Une chose que je note avec intérêt, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande avec le fait que le Parlement néo-zélandais a conféré la personnalité juridique à une rivière, la rivière Whanganui, sous l'effet de nombreuses négociations complexes, entreprises notamment avec les populations maoris qui occupent les berges. Et ce que ce petit pas de côté a mis en évidence, c'est que de la même façon que d'autres populations, comme celles qui me sont familières en Amazonie, considèrent pas que les humains sont les propriétaires du monde ou s'approprient ou s'accaparent des territoires qu'ils peuvent transformer pour en exploiter les ressources, mais sont au fond d'un prolongement parmi d'autres. des relations complexes qui se tissent au sein d'un écosystème, pour employer le terme savant, eh bien, de la même façon, on peut considérer qu'une manifestation comme celle-là a contribué à transformer la conception que nous pouvons avoir d'un rapport univoque, en somme, des humains vers la Terre, comme étant les seuls disposant des propriétés morales, cognitives, etc., qui leur donnent le droit, au fond, de s'approprier des espaces et de les transformer. Ce qui est intéressant dans le cas de la Nouvelle-Zélande, et ce que de très nombreux exemples, encore une fois, nous montrent ailleurs, dans des sociétés que j'appelle extra-modernes, parce que certaines d'entre elles ne savent pas qu'elles ne sont pas modernes, et qu'elles refusent même encore très largement la modernité, eh bien, c'est précisément que, au fond, transformer en sujet politique des milieux de vie est probablement l'une des solutions pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons depuis que la philosophie des Lumières a rendu normale l'idée d'une universalité des propriétés humaines comme fondant leur droit politique. Alors ça pose toutes sortes de questions d'une très grande complexité, bien sûr, à savoir comment organiser un système à l'échelle mondiale dans lequel ce sont des manières d'habiter des territoires différentes qui vont constituer les unités de base de la vie sociale. Et ces territoires peuvent être extrêmement variés. Ça peut être un quartier, Notre-Dame-des-Landes est un bon exemple, ça peut être une zone à défendre à laquelle s'associent à la fois des gens qui y vivent et des gens qui viennent la défendre parce qu'ils se sentent en continuité avec les non-humains qui vivent là et parce qu'ils pensent qu'ils ont des relations intimes avec ces non-humains. Ça peut être un littoral, ça peut être un détroit, et donc les formes au fond de territorialité peuvent être extrêmement variables, mais ce qui compte à chaque fois, c'est l'idée que dans ces espaces, des rapports d'un type singulier se nouent entre les humains et les non-humains. Et donc la question difficile de voir comment, parce qu'aucun des instruments de politique internationaux au moyen desquels s'est effectuée l'internationalisation du droit, ne peut dans l'immédiat répondre à la question de l'articulation de ces différents territoires. Il existe un risque, hein. Ce risque c'est celui de l'atomisation et de la guerre civile. On a de nombreux exemples contemporains. Moi, j'ai vécu dans une société sans État, en Amazonie, où j'ai été très heureux, mais le prix à payer dans cette société sans État, c'était la vendetta, et donc là, effectivement, un mode de résolution des conflits fondé sur la violence, qui est toujours une possibilité. Donc on a un défi conceptuel d'une très très grande ampleur, auquel il faut répondre si on ne veut pas continuer dans l'espèce de libéralisme mou, mélange de libéralisme et d'individualisme possessif qui, au fond, a abouti à la situation catastrophique qui se profile. Expropriés de notre culture, dépouillés des valeurs dont nous sommes épris, pureté de l'eau et de l'air, grâce de la nature, diversité des espèces animales et végétales, tous indiens désormais, nous sommes en train de faire de nous-mêmes ce que nous avons fait d'eux. Cette citation de Claude Lévi-Strauss me touche beaucoup parce qu'elle pointe dans une direction qui, à mon avis, se fait jour à travers ces nouvelles luttes, justement, à la fois politiques, sociales et environnementales, à savoir que la domination des autochtones, la domination des Noirs, la domination des femmes, la domination de la nature, tous ces processus et toutes ces luttes qui ont été éclatées et parfois même en tension les unes avec les autres, en fait, pointent vers un même principe, convergent sur une critique radicale de ce rapport colonial, capitaliste au monde. Et je trouve que c'est touchant de renverser comme ça, de se penser colonisé de nous-mêmes. comme le fait Lévi-Strauss dans ce passage, tous indiens désormais. Nous sommes en train de faire de nous-mêmes ce que nous avons fait d'eux, à la fois un mea culpa, n'ignorons pas l'histoire coloniale, n'ignorons pas la tragédie, la violence qu'elle représente. Mettons fin à ce colonialisme, mettons fin à cette appropriation qui s'étend partout. Nous avons ici un arbre qui nous délivre un certain nombre de ses secrets. Car, comme vous savez, l'histoire de la nature et l'histoire des humains sont profondément interconnectées. Avancez, avancez, mesdames et messieurs. Avancez. Bienvenue dans la grande université zadiste de la Terre. Nous allons décrypter quelques moments de notre géohistoire récente. Alors, la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Un paysage de bocage, quelques vaches, beaucoup d'oiseaux. Là, ce qu'on entend au-dessus, c'est une alouette Lulu, c'est une petite alouette très mignonne, mais je sais pas si elle chante en vol, elle est au-dessus de nous, mais comme elle est loin, on la voit pas. Ça fait quoi ? Ça. À peu près. Voilà, j'ai appris les chants d'oiseaux quand j'étais tout petit, donc vraiment ça me, je les ai vraiment mémorisés de façon très profonde. Et il y a beaucoup de régions en France où ça m'angoisse presque de me balader, tellement c'est devenu silencieux. Et en l'occurrence sur la ZAD, c'est vraiment pas le cas. On a l'impression, là, rien, c'est assez joli, non ? Tous ces, il y a 4 ou 5 hérons cendrés, plein de garde-meubles. Auteur de BD, passionné par l'animisme et inspiré par l'exemple de Philippe Descola, Alessandro Pignocchi a vécu chez les Jivaro en Amazonie. Mais aujourd'hui, c'est sur la ZAD, où il vit par intermittence, qu'il trouve son inspiration. Il n'y a pas vraiment d'issue pour l'Occident moderne, d'issue notamment à la crise environnementale, si on conserve notre concept de nature, si on continue à organiser le monde, à structurer notre vie autour de la distinction nature-culture, avec une nature mise à distance, considérée comme une ressource, et dont les êtres sont à peu de choses près traités comme des objets. Or, cette voie-là est maintenant sans issue, puisque c'est à partir du moment où on attribue une fonction et où on valorise les plantes et les animaux en fonction de leur utilité, on sous-entend forcément qu'elles sont remplaçables. Enfin, et pour d'autres raisons, on va forcément vers la destruction. Et par ailleurs, on rate sans doute les interactions les plus riches qu'on pourrait nouer avec plantes, animaux, territoires, etc., qui sont des interactions qui nécessitent un rapport de sujet à sujet, où en gros on tient compte, alors dans le cas des animaux, de leur intériorité, dans le cas des plantes et du territoire, c'est un petit peu plus complexe, mais en tout cas c'est un type de rapport qui focalise l'attention plutôt sur les liens que sur l'objet lui-même, et en tout cas qui fait passer l'utilité et les services complètement au second plan, et qui met au premier plan en gros la valeur intrinsèque des interactions qu'on peut nouer avec tous ces êtres. Et il se trouve que ce changement de paradigme, ce changement ontologique, cette transformation du rapport au milieu, en tout cas en France, c'est sur les ZAD, et en particulier à Notre-Dame-des-Landes, vu que c'est la plus étendue, que ça se produit. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui rend possible cette transformation de la relation ? Une des manifestations, par exemple, extrêmement concrètes de cette transformation, c'est qu'ici, personne n'aurait l'idée de justifier la protection ou le maintien d'un lieu, d'une mare, d'une forêt, d'une prairie, en invoquant les services qui nous rendent. Ça serait choquant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas compte des services que les lieux nous rendent, mais si dans une assemblée, quelqu'un disait « Ah, j'aimerais vraiment bien qu'on protège cette mare parce que je peux arroser mon jardin avec », tout le monde le regarde. Tiens, une mésange, il vient nous voir. Et un pouillot véloce dessous. C'est le début de la migration d'automne. Il commence à y avoir des pouillots dans les buissons de saule. Ici, la forêt de Roanne, chaque prairie, chaque mare est vraiment complètement mêlée, intriquée dans la vie sociale du lieu. Et donc, on n'aurait pas idée d'invoquer des questions d'utilité ou de service écologique pour justifier. On est bien au-delà de ça. C'est simplement indispensable à notre vie sur place et à envisager l'existence ici comme un tant soit peu agréable et vivante, et ben on a besoin de cette prairie, de cette forêt avec laquelle les gens ont lié une multitude de liens affectifs de toutes sortes. Et donc ça, c'est peut-être la manifestation. Alors, c'est pas du tout propre à la ZAD, hein, évidemment. Il y a plein d'endroits où les gens nouent des relations affectives avec le lieu, d'où considèrent le rouge-gorge du jardin, leur troupeau de brebis comme des sujets, ont des relations quasiment de personne à personne avec elles. Mais simplement, sur la ZAD, déjà, ça a une taille beaucoup plus importante. C'est une des choses qui déconcerte ici. Quand on arrive dans un lieu, on se dit « Ah, c'est vraiment chouette, machin, mais ça me rappelle plein de choses. » Et là, on fait une demi-heure de vélo et on arrive dans un autre lieu, pareil, et on commence à prendre, à avoir l'idée vraiment d'un territoire qui s'organise sur ces intuitions-là, quoi. C'est pas juste une petite étincelle comme il peut y avoir dans un endroit où on recrée des relations particulières avec son lieu, mais de façon un peu dans une petite bulle. Ici, c'est vraiment un monde qui se structure autour de ces... De ces intuitions-là et de ce rapport-là au territoire. Pipi de Farlou. Au moment du conflit sur la ZAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, on lisait le slogan « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Comment tu comprends cette phrase ? C'est ce que je vois sur des combats comme celui de Notre-Dame-des-Landes, et il y en a beaucoup d'autres dans le monde, et notamment il y en a beaucoup en Amérique du Nord, par exemple, qui associe des enjeux environnementaux, écologiques et des enjeux sociopolitiques sur la reconnaissance en particulier des droits des Premières Nations, sur la défense des territoires, des autochtones, etc. Où on est vraiment sur des nouvelles alliances, alors que longtemps la protection de la nature a été taxée, et d'ailleurs historiquement à juste titre, d'être un peu néocolonial, d'être une façon pour l'homme blanc de s'assurer quelques parcs de loisirs un peu partout dans le monde, quitte à en expulser les populations locales, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des nouvelles alliances qui sont en train de naître et qu'il faut absolument fertiliser entre ceux qui défendent la nature contre sa destruction et ceux qui défendent les humains, la société, le lien, les communs contre un régime de privatisation, d'appropriation, de productivisme. Et ces deux combats-là, historiquement, ces deux enjeux ont eu du mal à s'entendre. Et on voit sur la ZAD, sur les ZAD et ailleurs dans le monde, sur beaucoup de terrains, des militants politiques, autochtones et écologistes, environnementalistes, créer des nouvelles alliances contre un système totalement mortifère. John Jordan, zadiste. La nature qui se défend, comment ça s'incarne sur la ZAD pour moi? Bon, la première chose que... Comment ça s'incarne sur la ZAD? La première chose qu'on apprend de la nature, c'est la diversité. La nature, elle pousse toujours vers plus de diversité. Et la ZAD, c'est la même chose. La ZAD, elle est si divers. Tu peux, en fait, avoir 300... Il y a 300 personnes qui vivent sur la zone. Peut-être, il y a 300 versions différentes. Qu'est-ce que ça veut dire, la nature qui se défend? Pour moi, ça m'apprend que la lutte va toujours vers une diversité, qu'on n'a jamais une façon d'agir, on n'a jamais une pensée, le petit livre rouge, dalala. Donc, pour moi, c'est aussi de s'imbriquer dans une lutte écologique et dans un monde dit naturel, c'est de comprendre quelles sont les leçons de ce monde. Et il y a plein de principes que je pense qu'on peut apprendre en vivant avec la nature, à comment vivre notre vie et nos luttes. Le spectacle hier, c'était toujours sur la lisière, la construction d'une lisière, la lisière entre forêt et prairie, ou entre littoral, dans le littoral, entre eau et mer. C'est là où l'évolution a commencé, c'est là où tu as la plus grande relation entre les espèces, donc plus d'évolution, donc plus de créativité. Donc dans nos luttes, on s'inspire de ZAD pour dire mais comment on va créer, par exemple, sur la ZAD, une composition. On va vraiment bosser sur les lisières entre paysans, anarchistes entre travailleurs dans l'usine et hippies entre vraiment de créer ce réseau qui a arrêté ce projet d'aéroport, et ce réseau était basé sur la diversité et la différence. Donc je pense que pour moi le plus qu'on comprend comment le monde vit, comment les écosystèmes marchent, le plus je pense qu'on peut apprendre à vivre ensemble en fait. Alessandro, pourquoi ce renouveau du rapport au vivant ? Tiens, pied vert. C'est autour des pieds verts et sur des ZAD que ça se passe. Il se trouve que l'approche chiffrée, quantifiée et marchande est co-substantielle quasiment avec l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et donc il faut commencer par le chasser dans la mesure du possible d'un territoire pour ensuite, dans un second temps, pouvoir commencer à inventer authentiquement autre chose. Sinon, il y a vraiment une incompatibilité frontale entre les deux. Et peut-être que là, d'ailleurs, il y a une piste pour comprendre un petit peu d'où est venu ce déchaînement de violence vraiment invraisemblable au moment des expulsions il y a quelques mois, ou pourquoi cet acharnement. Et ici, c'est vraiment une démonstration en acte. Les gens montrent en acte que non, c'est faux qu'il n'y a pas d'alternative, c'est faux qu'on ne peut pas faire autrement. Toute cette rhétorique que les puissants ont dû construire pour légitimer leur présence, vu que plus ou moins maintenant que plus grand monde croit à une mondialisation heureuse pour tous et généreuse et dont les bénéfices seraient partagés entre tous, puisque cette narration-là, ce mythe-là est de moins en moins crédible, la nouvelle histoire qu'ils ont eue et à laquelle beaucoup de gens croient malheureusement, c'est l'idée que c'est ça ou sinon ça serait pire, qu'il n'y a vraiment pas d'autre façon de faire. Désolé, effectivement, c'est pas très chouette ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de gens malheureux, de pauvres, d'inégalités, on saccage complètement notre environnement, mais que voulez-vous, on ne peut pas faire autrement. Et donc, étant donné qu'ils ont vraiment un besoin pour se maintenir en place de cette histoire-là, un lieu qui leur montre qu'elle est vraiment de façon irréfutable, que c'est en acte que cette narration-là est fausse, c'est dangereux pour eux. Et du coup, il faut le démolir, vraiment dans ses fondements même. D'abord le démolir par les gendarmes, puis de façon encore plus violente, finalement, le démolir conceptuellement en imposant des logiques marchandes, chiffrées, etc., détruisent petit à petit le type de relation qui s'invente ici, quoi. Le type de relation au lieu qui s'invente ici. On a cette conception que la liberté, c'est de ne pas avoir de lien. Tu es libre parce que tu peux aller n'importe où. Et en fait, nous, sur la ZAD, on est beaucoup à dire, mais en fait, la liberté, c'est la construction de liens, en fait. Parce que si tu es lié aux autres, tu es libre. Parce qu'en fait, sans les autres, tu n'as rien. Tu as besoin de bouffe, tu as besoin d'amitié, tu as besoin de culture, tu as besoin de tous ces trucs qui sont basés sur des liens avec la terre, avec les autres. Donc, le plus grand nombre de liens que tu as, le plus libre tu es. Donc, à la ZAD, c'est un truc de ouf. Tu peux avoir des... on a des liens avec les syndicalistes à Nantes, les étudiants, les paysans dans le coin, les retraités des villages, les anarcho-primitivistes, les communistes, les hippies, les punks. Y a une diversité énorme et une complexité de liens que moi j'ai jamais vu en fait. Ça veut dire que tu peux faire des choses miraculeuses. Et ça, c'est une liberté incroyable. Donc, on doit vraiment rechanger cette conception de liberté comme je suis libre parce que je n'ai pas de lien. Et une liberté écologique pour moi, c'est je suis libre parce que je suis en construction permanente de liens, en fait. Et que les systèmes écologiques nous montrent ça. Qu'en fait, les systèmes qui sont les plus résilients au choc, etc., c'est les systèmes où il y a le plus grand nombre de liens entre les espèces. Donc pas les monocultures, par exemple. Et en pratique ici, tu peux faire des trucs de ouf, comme construire un phare, ou amener 60 000 personnes sur une autoroute pour la bloquer, ou pour abandonner pousser un gouvernement à abandonner un projet qu'il voulait faire depuis 50 ans. Et on a fait ça parce qu'on a créé ces liens, en fait, entre les différences. La vieille politique, c'était d'essayer de convaincre l'autre de devenir comme toi. Et ça, pour moi, si on a une politique vraiment post-capitaliste et écologique, en fait, si moi j'essaye de te convaincre d'être comme moi, ça veut dire que je veux une monoculture. Je ne veux pas une unité dans la diversité. Et c'est ça la leçon principale de la nature, c'est une unité dans la diversité. Tu as toutes ces espèces différentes. Toi, là, on est sur ce bout de jardin avec des milliers de bactéries, des milliers d'insectes, de plantes qui nous entourent. Une diversité énorme, mais en fait complètement tous liés à un système qui... Et comment tu articules ça? Je pense que c'est la plus grande question du 21e siècle. Comment tu articules l'unité de la diversité, l'individu, le collectif, la nature et la culture? Un des drames du monde moderne, c'est son uniformisation. C'est l'idée qu'il n'y a plus le sentiment presque un peu de claustrophobie, qu'on ne peut plus voir autre chose, quoi. Qu'il n'y a plus d'échappatoire. Alors que vous, qu'on aille, même en Amazonie, on va tomber sur des mecs qui finalement tiennent à peu près les mêmes propos et ont à peu près les mêmes fantasmes, les mêmes envies que partout ailleurs. Et c'est assez angoissant de se rendre compte que c'est relativement nouveau. Il me semble, peut-être les historiens ne seraient pas d'accord avec ça, mais dans l'histoire de l'humanité, on s'est toujours dit, si on prend un voilier et qu'on traverse l'Atlantique, ou si on va explorer telle ou telle région, on va tomber sur un monde authentiquement différent du nôtre, un véritable ailleurs qui pourra jouer éventuellement le rôle d'échappatoire si besoin. Quand bien même, on n'irait jamais, on sait que ces échappatoires sont possibles. Or, aujourd'hui, dans le monde contemporain, ces échappatoires n'existent plus trop. Et les ZAD, en fait, sont en train d'en reconstruire. Et ça, pour le coup, aussi, ça a été une bonne surprise en arrivant, c'est que ça joue complètement ce rôle-là. Quand on arrive ici, assez rapidement, on est vraiment à la fois désorienté et fasciné par l'ampleur du phénomène. On se sent vraiment ailleurs, quoi. Et quand on ressort d'ici et qu'on va prendre le train à Nantes, on rebascule vraiment dans autre chose. Et quand on arrive ici, il y a évidemment ce territoire de la ZAD qui nous donne le sentiment d'être complètement ailleurs, dans un monde qui, encore une fois, qui s'organise sur des bases neuves. Mais en plus, on sent assez rapidement tout le réseau de solidarité qui se tisse entre le territoire de la ZAD et tout un tas d'autres lieux similaires, tout un tas d'autres mouvements à travers le monde. Et donc, on a vraiment la sensation d'un monde autre qui est possible, qui est en construction et qui finalement offre des modes de vie authentiquement différents, quoi. Et qu'ils soient pas enfermés dans une seule perspective et un seul rapport au monde. C'était Bienvenue dans l'Anthropocène, épisode 4 des mondes à composer, avec Alessandro Pignocchi, Bernie Croze, John Jordan, Muriel Fifis, Philippe Descola, Thierry Geffray, Virginie Maris. Avec la voix de Pauline Chanu, prise de son Alexandre Abergel, mixage Julien Douminc, coordination Marivana Bolivier et Perrine Kervran, c'était Bienvenue dans l'Anthropocène, une série de Tao Favre réalisée par Gaël Gillot.